cette émission avec du musette, bien sûr, pourquoi pas. Et à partir de 14h30, à peu près, autour de 14h30, un hommage à Annie Cordy qui vient de nous quitter. Voici Thibaut Collat, le Passo des Bals de France, de Maurice L'Archange, Louis Corchia, Michel Pruvot et Jean-Paul Cressangon. Pardon, et on va écouter quelques chansons de Mireille Mathieu en attendant 14h30. enfant, à tout âge, je ne savais pas que Mireille Mathieu chantait la Marseillaise. Voyez-vous, on en apprend à tout âge. Retour aux musettes et... Retour aux musettes, décidément. Et c'est Thibaut Collat. Continuer avec le duo d'air qui va nous interpréter première chanson, La rue de notre amour. Ça existe. Et oui, ça existe. J'en ai déjà entendu parler. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Elle est pleine. Mais c'est là que notre amour est né. C'est

petit coup de musette maintenant avec Vincent Spinoza, qu'on appelle amicalement Fifi. Et ce sera El Señor. En couleur. En couleur. 14h32 à la pendule de Radio Arc-en-Ciel, l'émission spéciale dédiée à Annie Cordy. Eh bien voilà, je ne vais pas tout vous expliquer, tout vous lire ce qu'on peut avoir sur elle. Mais Annie Cordy est une chanteuse, meneuse de revue et artiste, actrice belge, née le 16 juin 1928 dans la banlieue de Bruxelles, à Laeken, et morte le 4 septembre 2020. À Valoris, dans les Alpes-Maritimes, en France. Artiste prolifique, elle a enregistré plus de 700 chansons au style enjoué et festif, jouée dans une vingtaine de comédies musicales et d'opérettes, une quarantaine de films, une trentaine de séries et téléfilms, une dizaine de pièces de théâtre et donné plus de 10 000 galas. Très énergique et toujours de bonne humeur lors de ses apparitions en public, elle vante les mérites du sourire, même s'il lui arrive d'incarner des rôles plus graves au cinéma ou des fictions, à la télévision. Anoblie en 2005 avec le titre personnel de baronne, elle choisit pour de vivre pour devise « La passion fait la force ». Alors, on va parler, en gros, de ses débuts, si vous voulez bien. Ses débuts, Annie Cordy mène ensuite diverses revues au Lido et à l'ABC, et l'accompagne également à la caravane du Tour de France. En 1952, elle commence à montrer les autres facettes de son talent. Elle signe un contrat avec Pathé Marconi, obtient à Deauville le prix Maurice Chevalier, puis est engagée pour la Route Fleurie avec Georges Guettari et Bourville. Tout en continuant à l'opérette, Annie Cordy enregistre ses premiers succès. Les Trois Bandits de Napoli, Bonbon Caramel, Fleur de Papillon, Léon, La Tantina de Burgos, La Ballade de David Croquette, etc., qui l'imposent définitivement. Elle apparaît également au grand écran dans Si Versailles m'était compté, de Sacha Guitry en 1953, Poisson d'avril avec Bourville et Louis de Funès en 1964, et Bonjour sourire avec Henri Salvador en 1955. La même année, elle passe en vedette à l'Olympia et à Bobino et reçoit le Grand Prix de l'Académie Charles Cros pour la chanson « Au Bessie ». Le 16 avril, 1956, elle chante pour les fiançailles de Grace Kelly et du prince René III de Monaco. Après le succès au cinéma du chanteur de Mexico, Luis Mariano et Bourville, c'est l'Amérique qui l'accueille. Le Plaza à New York, le Copacabana à Rio de Janeiro, puis Cuba, Mexico ou encore Porto Rico. Un contrat pour une grande comédie musicale lui est alors proposé aux États-Unis, mais son manager et mari n'apprécient pas l'Amérique. Il abandonne une carrière internationale prometteuse. Il y a des choses comme ça. De son vrai nom, Leona Juliana Corman. Elle naît donc le 16 juin 1928 dans la banlieue de Bruxelles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Son père est menuisier, il s'appelait Cornelius Corman. Sa mère, Maria Deleuve, lui donne le goût des chansons, lui faisant écouter la TSF. Elle a un frère aîné, Louis, et une sœur, Jeanne. À 8 ans, comme elle est de constitution fragile, sa mère l'inscrit à un cours de danse. Elle apprend le piano et le solfège, tout en poursuivant ses études. Puis participe à des galas de bienfaisance. Entre les numéros dansés, elle chante les succès du moment. Très vite, tout s'enchaîne. Radio Crochet, concours. Aussitôt remarqué par le directeur stylique du Lido, qui réussit à la convaincre de quitter Bruxelles, où elle jouait au bœuf sur le toit. Elle débarque à Paris le 1er mai 1950, engagée comme meneuse de revue. En 51, elle rencontre celui qui deviendra son mari et impresario, François-Henri Bruno. Il se marie le 3 février 1958 à la mairie de Bièvre, où ils habitent dès avril 1960 dans leur grande maison La Roseraie. Le couple n'eut jamais d'enfant. Elle acquit la nationalité française avant le 14 novembre 1992. Alors, je passe en revue un peu tout. Artiste de music hall, chanteuse, actrice de cinéma, actrice de télévision. À la télévision, elle a participé en 1961 à la première héroïne récurrente dans une série télévisée interprétant Madame SOS et tient le rôle principal dans plusieurs téléfilms au cours de la décennie. Dans les années 90, elle tourne aux côtés de Charles Aznavour dans Batipara, sans cérémonie, Baldi et Tini au passage du lac. Elle a un peu tout fait. Apparition télévisuelle. Dans ses émissions, elle aura fait des duos avec la majorité des stars de l'époque, tels que Sacha Distel, Dalida, Petula Clark, Sheila, Jacques Dutronc, Daniel Gilbert, Mireille Mathieu, Claude François, Julio Iglesias, Enrico Macias, Michel Drucker, Charles Aznavour, Joé Dassin. Décidément, elle aura tout fait. On continue. Durant sa carrière, elle a prêté son image à plusieurs marques pour de la publicité. Les Canapelli Becca sont les premiers à faire appel à elle. En 58, elle devient ambassadrice de la bière à table, notamment avec le type triple pied-bœuf, où un livret est même écrit, édité. L'une de ses principales publicités est celle pour les marques AK en 1960, accompagnée de la chanson « Mon chouette pépin ». Dans les années 70, elle se réfère à la publicité pour les bières avec cette fois-ci la gueule Bellevue. en 75, elle prête son image au robot ménager Steka. Et on continue. Marraine du Paris Saint-Germain. Eh oui, elle était marraine, ça personne ne sait peut-être. Depuis 1970 jusqu'en... je ne sais pas la suite. En 90 jusqu'à 2009, elle perd son mari le 9 février 1989, son mari François-Henri Bruno. Le début des années 90 s'annonce difficile, mais la chanteuse retrouvera le sourire par le travail et la scène. En 98, elle fête son 70e anniversaire et ses 50 ans de carrière sur la scène de l'Olympia et publie ses mémoires sous le titre « Nini la chance ». Elle effectue plusieurs apparitions remarquées à la télévision, notamment avec Michel Youn dans « Morning Live » sur M6, où elle chante « Stack avec les Bratisla Boys et dans un sketch de l'émission « Les frères Taloche ». Au début des années 2000, elle revient dans la veine de la publicité en devenant légère des produits à l'eau, je ne fais pas de publicité, à l'eau de Javel dans un spot publicitaire. Et on continue, parce qu'elle n'a pas fini. Le 4 septembre 2020, je saute directement parce qu'il est trop long, Annie Cordy meurt à son domicile de Valoris à l'âge de 92 ans d'un malaise cardiaque. Sa nièce qui vivait avec elle a prévenu les pompiers aux alentours de 18 heures, mais ils n'ont pas réussi à la réanimer. De nombreuses personnalités du cinéma, de la musique et du monde politique lui rendent hommage. Ses obsèques le dérouleront le 12 septembre prochain à Cannes. Voilà. Et son concession de noblesse, Annie Cordy, est anoblie le 31 août 2005, date des lettres patentes, accordant à Léonie Corman concession de noblesse personnelle avec le titre personnel de baronne. Ces armoiries, dessinées par Fernand Brosse, se blasonne ainsi un écu en osange coupé de gueules et de sable, chargé d'un épi de blé d'or feuilleté de deux pièces, accompagné de deux masques de la Commedia dell'arte, avant d'avoir posé en bande et que celui à semestre pleurant posé par terre. Et décidément, c'est assez difficile. Selon l'artiste, l'eau de blé représente son père, Cor, il s'appelait Cor, C-O-R, C-2-O-R, signifie blé en flamand. Les lions représentent sa mère, New Eve, signifiant lion en flamand, et sont donc nombre de deux, car c'était une femme très énergique. Enfin, les masques de la Commedia dell'arte représentent son métier d'artiste. En Belgique, Annie Cordy est promue officier de l'ordre de Léopold en 1996 et commandeur de l'ordre de la Couronne en février 2014. En France, elle est promue commandeur de l'ordre des Arts et Lettres le 14 novembre 1992. En 2004, Annie Cordy est faite citoyenne de la ville de Bruxelles à l'occasion de ses 90 ans, Bruxelles lui rend hommage lors de l'édition 2016 de l'Homme Gang, début juillet, en donnant son nom à un lieu célèbre de la ville, ainsi qu'en dévoilant une fresque à son effigie. Le parc attenant à l'ancienne gare de Laeken devient le parc Annie Cordy le 8 juillet 2018. Alors, je ne parle pas de ces chansons, parce qu'on en parlera tout à l'heure. Dieu sait s'il y en a. Les compilations, les 45 tours, etc., des films, j'en passe des meilleurs. Et on écoutera dans quelques instants, après un petit coup de musette, on écoutera plusieurs de ses chansons. Voici donc Retour aux musettes avec Thibaut Collin, et on écoutera Un grand amour. Mais de très bons moments aussi. Quand une femme vous dit je vous aime, on est parfois un peu démuni. Pour une relation romantique, il faut surtout beaucoup de sentiments. Et soudain tout est magique, la vie paraît moins triste. On est comme des enfants qui dans un regard nostalgique ont le cœur qui palpite et puis qui prennent du bon temps. Un grand amour, ça dure toujours dans le cœur des gens, petits et grands. Un grand amour, sans rien attendre en retour, c'est du bonheur à chaque instant. Ces chansons d'Annie Cordy avec une chanson célèbre, Cigarette, Whisky et Petite Pépée. Dans quelques petits instants. Le temps de caler tout ça. Il est temps de reparler sport. Profitez des contenus de l'abonnement. Il est temps, comme dit l'autre. On va caler. Voilà, Annie Cordy. Cigarette et whisky et petite pépée, te laisse groggy, te rend un peu cinglé. Cigarette et whisky et petite pépée, si c'est ta vie, t'as raison de les aimer. Tu sais que le tabac, c'est mauvais pour la voix. C'est que l'alcool, c'est pas bon pour ton foie. Quant au petit pépé, c'est fatal pour ton cœur. Toi, tu prends les trois, tu dis qu'il n'y a rien de meilleur. Cigarette et whisky et petit pépé, te laisse groggy, te rend un peu cinglé. Si c'est ta vie, t'as raison de les aimer.

des grenouilles de blé. La vie est dure quand on aime rigoler. Une mini jupette et un corsage à tout-tout. Mais il paraît que pour faire la quête, ça ne se fait pas du tout. Quand je veux faire un brin de fossette avec les gars du pays, je file en cachette derrière la sacristie. Attention, c'est parti. Je voudrais toujours bien, mais je peux toujours moins. Quand c'est la fête, j'en perds la tête. Je voudrais aller danser. Je voudrais monter en motocyclette pour me promener dans les bouées. Et qu'un beau gars me compte fleurette avec des disques à succès. Car les cantiques, ça ne vaut pas. Qui démarre en quelques secondes quand vous êtes en retard. Chut, change. Da, da, yo, yo. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Da, da, yo, yo. Dans ma tête, y'a des tas d'oiseaux. Da, da, yo, yo. On m'a dit qu'il y a maman grelot. Mais moi, j'aime ça. Quand ça fait d'une, d'une, d'une, d'une comme une samba. Mon vieux chapeau, ma robe à fleurs et mon mégot, mon parasol et mes fossiles et une boussole sur mon nombril. Les Brésiliens m'ont surnommé la folle de Rio, mais les enfants me donnent un nom plus rigolo. Oh oh oh, da da yo yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand que je me trimballe parmi les masques du carnaval. Ma silhouette, mon charme fou, ça les embête, ils sont jaloux. Je les entends sur mon passage dire oh, qu'elle est belle. Un jour sa vie, là-bas, je la veux pour mon Noël. Ah, da, da, yo, yo. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? C'est moi qu'on appelle Irma, je suis la fille du Covois. Ma maman, elle est comme moi, son papa était Covois. On habite dans un ballon qui est perché sur un piton. C'est au fond de l'Amérique, un joli coin pour pique-nique. Paria, dia, dia, c'est moi la fille du Covois. Paria, dia, dia, dia, dia, dia, c'est moi la fille du Covois. Mon papa qui est Covois n'a qu'un seul défaut, il boit. Mais s'il boit n'importe quoi, ça n'est pas bon pour le foie. Quand il est très argenté, il boit de l'alcool à brûler. Mais quand il n'a plus un rond, il boit l'essence du camion. Pas la roule, la roule, la roule, on la roule, la roule, la roule, la roule, la roule. Pas la roule, la roule, la roule, la roule, pas la roule, roule, roule, roule, roule. Ma maman, elle est comme moi, elle est la fille d'un Covois. Elle a même une jambe de bois, paraît qu'elle est née comme ça. Quand elle a beaucoup de sous, sa jambe est en acajou. Mais quand elle est trop fauchée, elle est en contreplaqué. Pan la pan la pan la pan la pan la pan la pan la pan la pan la pan la. Notre maison, elle est Covois, tout comme celle des autres Covois. Il y a que les murs, le sol et le toit qui sont en tôle comme papa. Si papa est en prison, quoique doux comme un mouton, c'est qu'il a tué trois shérifs à la suite d'un pari. Paria, dia, dia. C'est moi la fille du Covois. Paria, dia, dia, dia, dia, dia. C'est moi la fille du Covois. Là-haut dans la montagne habite aussi Charlemagne. C'est le plus beau des Covois. Il est deux fois grand comme moi. Comme il voulait m'embrasser avant qu'on soit mariés, je l'ai poussé dans le ravin où il y en a déjà 21. Paria, dia, dia, dia, dia, dia, c'est moi la fille du Covois. Paria, dia, dia, c'est moi la fille du Covois. Je vais vous raconter, avant de vous quitter, l'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions quatre amis au bal tous les samedis, à jouer et à chanter toute la nuit. Giorgio à la guitare, Sandro à la mandoline, moi je dansais en frappant du tambourin. Mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter celui qui faisait battre tous les cœurs. Et quand il arrivait, la foule se criait, arriva Gigi d'Amoroso, croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse. Gigi d'Amoroso, toujours vainqueur, parfois son cœur, mais jamais sans tendresse. Partout c'était la fête quand il chantait. Guizepe, mais tout le monde l'appelait Gigi l'amour. Et les femmes étaient folles de lui. Toutes, toutes. La femme du boulanger qui fermait sa boutique le mardi pour aller. La femme du notaire qui était une sainte et qui n'avait jamais, jamais trompé son mari. Et la veuve du colonel. Oh, la veuve du colonel qui ne porta plus le deuil parce que Gigi n'aimait pas le noir. Toutes, toutes, je vous dis, même moi. Mais moi, Gigi aimait trop sa liberté. Jusqu'au jour où une riche américaine à grands coups de je t'aime, lui proposa d'aller jusqu'à Hollywood. Tu seras le plus beau de tous les cartons. Lui disait d'être jusqu'à en perdre la tête. Nous voilà à la gare avec tous nos mouchoirs. Gigi partait conquérir l'Amérique et tout le village était là quand il arriva. Et tous et tous et toutes ont chanté tous en chœur. Arriva Gigi amoroso, grand cœur d'amour, l'œil de l'amour comme une caresse. Gigi amoroso, toujours un cœur parfois son cœur, mais jamais sans tendresse. Et là, comment la foule l'a chanté, ça va pour la caresse, au son des rions. Oh Gigi. Gigi, les années ont passé, cinq hivers, cinq étés. Nos news, c'était good news, on nous avait dit. Il a fallu du temps, du courage et du cran pour arriver à continuer sans lui. Sans toi, Gigi. Gigi. Oh, Gigi. Gigi, grand cœur d'amour, l'œil de velours, comme une caresse. Gigi, Gigi, c'est toi là-bas dans le noir? Attends, attends, laisse-moi te regarder. Mais tu pleures? Tu pleures, Gigi? Ça n'a pas marché là-bas, hein? Et alors? Et alors, mais qu'est-ce qu'ils comprennent tous ces Américains, à part le rock et le twist, hein? Ma Gigi, mais qu'est-ce que tu croyais de venir là-bas, comme Gigi l'Americano? Ma non! Tu sais, Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini, et tu es napolitain! Écoute. Giorgio s'est mis à la guitare. Attends, Sandro est là aussi. Mais tu peux pas t'en aller comme ça. Gigi, ici tu es chez toi. Ici tu es le roi. Tu entends, Gigi? Tu entends? Ils sont tous là. Oh, chante, Gigi. Chante, c'est ton public. Chante pour eux, chante pour moi qui n'ai jamais su te parler. Mais vas-y, Gigi, bravo, bravo Gigi, oui chante. Arriva Gigi l'amoroso. Je suis très heureux qu'on ne m'ait pas demandé de passer tous ces succès parce que je crois qu'on passerait la nuit. Hein. On va en écouter encore un et j'espère qu'il a raison. Ça ira mieux demain. Je ne fais aucune allusion, bien entendu. Je je me fais mon soleil, même quand il pleut, j'ai le cœur léger, quelquefois la tête, quand je chante ma chanson, ça ira mieux demain, ça ira mieux demain, si ça te semble loin, pourquoi ne pas prendre un bon jour d'avance, ça ira mieux demain, ça ira mieux demain, comme tout ira bien, il faut profiter du jour qui vient. Quand je vois certains de mes bons copains qui pour trois fois rien n'ont plus beaucoup de monde à ses obsèques. Retour à la chanson aussi avec Michel Sardou, La maladie d'amour. Tout le long d'une vie, elle fait 17 ans. Elle chante, elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme. Parfum qui volait. Elle court, la magie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux. Eh bien, bravo aussi à lui, à Michel Sardou, grande vedette de la chanson. Et on va continuer en accordéon. Les fleurs sont des mots d'amour. Et c'est interprété par Ramon Mendizabal. Des mots d'amour, des mots plus tendres qu'un poème, qui font comprendre son discours, au plus subtil comme au plus sourd, le doux secret d'un cœur trop lourd, ce frais bouquet de beaux jours, je l'ai fait pour celle que j'aime. Bouquet de soie et de velours, où mon cœur exhale à son tour, parmi ces fleurs des mots d'amour.

que la folie, ça se danse. Terre brûlée au vent des langues de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Soleil, au pas des chevaux. On y croit encore au monstre des lacs qu'on voit nager, certains sur l'été replongés pour l'éternité. On y voit aussi les hommes à la guerre venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un peu le meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Tout le prix de la guerre, la mort de les marins, on n'accepte pas la paix des Gallois, ni celle des rois d'Angleterre. Retour à l'accordéon, j'avais pas le retour de son. Retour à l'accordéon avec Nicolas Grandfils, le premier morceau, Olé Torero. Nico, c'est à toi. Ça va commencer dans quelques secondes. Thank you. quand je pense à la vieille Anglaise qu'on appelait le Queen Mary, échouée si loin de ses falaises sur un quai de Californie. Quand je pense à la vieille Anglaise, j'en vis des épaves englouties. Je cherchais un rêve et n'ont pas revu le pays. Ne m'appelez plus jamais français, la France elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. J'étais un bateau gigantesque, capable de croiser Milan. J'étais un géant, j'étais presque aussi fort que l'océan. J'étais un bateau gigantesque, j'emportais des milliers d'amants. Quand je pense à la vieille Anglaise qu'on appelait le Queen Mary, je ne voudrais pas finir comme elle sur un quai de Californie. Que le plus grand Latino. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Bien sûr que oui, surtout que quand il y a un petit peu de soleil, comme en ce moment. On va continuer avec Maurice Jaillet, un accordoniste du Morvan, et ce sera le bleu du Danube. Le Danube, il est vrai, c'est loin du Morvan, mais enfin, c'est comme ça. frère d'un liste inconnu sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, Albert Henbel. Il nous interprète Parade Musette. Ce son est génial. Je te le joue juste après mon break. We'll be right back. Eh bien, on vient d'écouter un pot-pourri de marches festives par Jean-Claude, à l'accordéon, bien entendu. Eh bien, on va se quitter dans quelques instants. Je vais laisser la place à personne pendant une demi-heure. Vous retrouvez à partir de 16h30 l'émission After Work de Funky, qui va arriver dans quelques instants. En attendant, je vous laisse en compagnie de RDP depuis Lisbonne. Je vous rappelle les horaires de mes émissions le lundi, normalement, hein, le lundi, exceptionnellement en ce moment, pour raisons sanitaires, le lundi de 14h à 16h, cocktail coloré, et l'accordéon de nos régions et le musette le dimanche de 13h à 15h30, sauf hier, exception en fait. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, une bonne semaine, et puis donc rendez-vous dimanche prochain. Je dis toujours samedi par habitude. Dimanche prochain. Bonne semaine à tous et à toutes. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, il y aura d'autres musiques, d'autres bals, d'autres soirs de gala, on aura des bons jours et des bons soirs. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, je ne vous dis pas au revoir. Mais à bientôt, si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, il y aura d'autres dimanches, d'autres joies, d'autres chansons d'amour, des javas et des nuits blanches, des départs et des retours. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, et nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, un peu trop tôt, la la la la la la, au revoir et à bientôt. Beja, 18 graus de mínima, Viana do Castelo, Porto e Setúbal, 17, Aveiro e Viseu, 16, Vila Real, Braga e Leiria, 15, Guarda, 13 e Bragança, 12 graus de mínima prevista. Vem as notícias. Boa tarde. Antena 1.